Je devrais me sentir bien, écouter tous mes refrains, assumer mes décisions et me dire que tout est bon. Et pourtant, il n'en est rien. Ma tête est remplie de chagrin, de goût amer et de tison, d'un sentiment d'être en prison. On me chasse et on me traque, alors je sens mes os qui craquent. Mon cœur éclate, mon sang en flaque, tout écarlate et tel un lac. Mon corps est coupé en morceaux, il flotte dans ce caniveau. Je me noie dans le léthé et en oublie de respirer. Je devrais me sentir roi, revendiquer chacun des droits que me donne ma naissance, qui exalte tous mes sens. Et pourtant il n'en est rien, ma vie est remplie d'arlequins qui se prosternent pour mon fort et me poignardent quand je dors. On me chasse et on me traque, alors je sens mes os qui craquent. Mon cœur éclate, mon sang en flaque, tout écarlate tel un lac. Mon corps est coupé en morceaux, il flotte dans ce caniveau. Je me noie dans le léthé et en oublie de respirer. Je devrais me sentir digne, la tête haute, marcher en ligne, affronter les évictions, ouvrir ma gueule même face aux cons. Et pourtant il n'en est rien, ma vie est remplie d'un purin qui imbibe à l'infection tous les recoins de ma maison. On me chasse et on me traque, alors je sens mes os qui craquent. Mon cœur éclate, mon sang en flaque, tout écarlate et tel un lac. Mon corps est coupé en morceaux, il flotte dans ce caniveau. Je me noie dans le léthé et en oublie de respirer. Et en oublie de respirer. Je devrais me sentir bien. Et pourtant il n'en est rien. On me chasse et on me traque, alors je sens mes os qui craquent. Mon cœur éclate, mon sang en flaque, écarlate et tel un lac. Mon corps est coupé en morceaux, il flotte dans ce caniveau. Je me noie dans le léthé et en oublie de respirer. Et en oublie de respirer. Et on oublie de respirer. Et on oublie de respirer. Et on oublie de respirer.